Mais bon, d'un point de vue symbolique, ça se remarque, quoi. C'est vrai qu'on peut se dire que d'abord, ça tenait du miracle. Pourquoi il s'est autant acharné qu'il a dépensé quand même autant d'argent, même si ça représente peut-être des cacahuètes pour lui. Mais en tout cas, il y avait un miracle. Un Léonard, en plus, le dernier Léonard, qui lui arrive comme ça, dans la possibilité de l'acquérir, ça tient du miracle. Vous l'avez dit, c'est une Joconde au masculin pour l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai qu'on n'imagine même pas une fiction qui oserait ce scénario du Christ rédempteur qui serait celui qui va faire briller une monarchie absolue islamique. Ça semble le grand délire, mais comme vous l'avez compris, avec Léonard de Vinci, on est toujours dans la démesure, on est toujours dans le délire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce trophée, il le garde précieusement. C'est un trophée, vous avez raison. Voilà, dire trophée. Voilà, un trophée de la culture occidentale, chrétienne. Et il le garde précieusement parce que nul n'ignore que l'Arabie Saoudite, comme tous les pays du Golfe, ont aujourd'hui déjà une stratégie économique d'après-pétrole. Et leur stratégie, notamment l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme Abu Dhabi, avec le Louvre, voilà. C'est notamment l'art, c'est les musées pour un tourisme culturel très très haut de gamme. Et qui aura le produit, c'est dur de dire le produit, mais le produit marketing le plus prestigieux, ce sera l'Arabie Saoudite, avec ce Salvator Mundi que très peu de gens auront vu, puisque ça fait donc des années qu'on se demande où il est, tout le monde maintenant veut le voir. Il y a eu une telle médiatisation, on a tous envie de se dire, bon, on n'a pas forcément envie d'aller en Arabie Saoudite, mais peut-être qu'avec l'argument, le prétexte du Salvator Mundi, peut-être qu'on ira. En tout cas, c'est ça que vise l'Arabie Saoudite, avec vraiment des musées qui vont être des vitrines culturelles, artistiques, prestigieuses pour cette monarchie islamique. Et puis, vous le savez que ces musées vont être là aussi, donc pour légitimer, comme tout musée, toute œuvre d'art, ça légitime quand même un pays, un État qui n'avait pas beaucoup de patrimoine, hein, quasiment rien. Et là, ils s'achètent avec notamment cette œuvre, mais avec beaucoup d'autres, et avec les expertises notamment de la France, de l'ingénierie française. Ils s'achètent une légitimité d'État, ils s'achètent un patrimoine avec des pétrodollars et en un temps record. Donc on peut penser qu'ils le ressortiront au bon moment, moment stratégique. Qu'on finira par le voir. Oui, c'est ça. Hein, et c'est par exemple, vous savez qu'on a des accords scientifiques, d'expertise scientifique, parce que la France est quand même très, très à la pointe dans ce domaine. On va en parler d'ailleurs du labo du Louvre. On va en reparler. Et notamment avec des sites, et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'ils vont le ressortir. Enfin, on en est sûr. Il ne va pas le garder pour lui. Oui. C'est pas le but de l'opération. Bon, bah quoi, relax. Hein. Allez, on va rester relax. Le titre qu'on va écouter tout à l'heure, Le Noiseur. Tu regarderas plus jamais le ciel, t'écouteras plus jamais le vent, tu diras plus la vie est belle, comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus, tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues, et la vie elle, elle continue. Sortiras plus par la fenêtre pour pas réveiller tes parents. Tu pourras plus jamais renaître comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus. Tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues et la vie elle. De temps qui presse, y aura moins de tendresse, de doux regards et de caresses. Mais relax, tout roule, tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tout roule, tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait. Thank you.